إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شيخ حسين كما الله سبحانه وتعالى في نعود أن بوم سمان فابير سكينو في نغيني دو أن دي سمان أكاز أفن كينو أبان كونسي نصو دين كون البيجي كونسي نصو دين نو أبين مهم حديث أبو هريرة رضي الله عنه كرسول صلى الله عليه وسلم بيجي Mami Tommy, tenha o que é de perto. Que a Sisi, que está a viver em Buyudilla, Zodzwanda, ainda vai na casa, Allah subhanahu wa ta'ala. E a Tuna Kitab Allah, e o Ekada Rasuna Bainahum, Zod Apan concerna o livro Allah, e Zod Etigeli entre Zod, Illa Nazala Kalehi Musakina, excepté que por a tranquilidade que o descendo sa Kudjimuna. Wa Kofat Humul Malaika, Ban Ange en bloc. Saban Jimuna, Wadakarakumullahu Fima Indahu. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne Saban Jimuna auprès de Ban Kotli. En deux mots, c'est Ban Ange. Zis nous présence dans une place qui peut apprendre concernant dit Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le nom avec Ban Kotli auprès de lui. Oui, je veux dire que nous avons Ban Kotli faveur concernant une personne qui quitte sur la case pour apprendre concernant sa dina. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qui tout bonne créature demande pardon pour lui, à tel état de barre. C'est quand même un poisson qui est nadant dans la mer. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, ça qui croit avec nous, pour ce vendredi qui vient là, mon habitude d'y aller, si pour un vendredi que nous pouvons arrêter la cause, bonne responsabilité de Martin Bédiadika, nous vous faisons cette connerie, mais sinon, nous vous continuons dans sa façon-là, c'est le sujet croyance dans le destin. Croyance, iman, c'est iman. Destin, c'est ça qui nous a dit d'entendre le mot qadar. C'est le mot qadar. Les sujets du même chef professeur, si nous bénis, au fait d'être capable d'une haine de 20 sujets qui quand nous tendent, nous frappe nous, il va être compliqué. Comment, qui va expliquer nous concernant qadar, concernant destin, qui n'a pas à prendre comme ça là-dedans? C'est pour ça, le fait que le sujet gonflé, chers frères et sœurs, elle, nous pouvons essayer de répéter partout, mais certaines bonnes explications. Certaines bonnes explications. Pour une bonne explication qui vous mérite, indiquez plus l'attention pour nous, elle ne touche pas l'autre. Et la bonne question qui vous vient simple. Et la bonne question nous dit bien, il vous vient simple, qui bonne question qui est en train de nous dire de ne pas nous tomber. Capable de ne pas nous porter attention, il y a assez avec ce sujet-là. Mais non, quand nous venons le 20 points plus sensibles, 20 points plus sensibles, à ce moment-là, là nous vous a répété. Qui veut nous préciser ça, chers frères et sœurs, il ne faudrait pas que quelqu'un parmi nous ait tendance à dire que ça même nous voit répéter ça qui nous fait jamais passer. Il va pas comme ça. Nous habitons de récapitulation, nous faire un rappel, mais seulement pour vraiment approfondir nous, ça qui nous fait jamais passer, après le monde il va pas comme ça. Deuxième, chers frères et sœurs, c'est Inch'Allah. Nous essayons d'aller doucement, doucement. Qui veut nous préciser ça pour là? Parce que malgré que le banapis que nous trouvons, il mettait 6 à 7 sessions, il est capable d'indiquer plus. Il est capable d'indiquer plus, basé sur l'eau, quand nous voyons dans le banc détail, quand nous pouvons expliquer. Troisième, c'est l'absence. Au fait, nous avons fait le registre en ville, hein? Mais seulement, nous prenons l'île. Un vendredi, nous arrêtons l'eau concernant le destin, quand Allah subhanahu wa ta'ala qui écrit dans l'eau du parcours. C'est maintenant ensuite morale explication qui fait moi pour une concernant quand on dit la vente pour maman Allah écrire. Les temps vont finir de troisième semaine, carrément. Il a fini là. On finit là. Qui pire? Parce qu'il entre sa dé là et la scène qui est liée. Maman est cassé là. Maman est cassé. À partir de là, si mon rappelé, mon fini pour problème qui enchaîne, qui vient après, il faut dire si tu peux gagner. Les plus difficiles. Oui, au commencement, nous n'avons pas à faire une récapitulation, mais c'est notre vraiment, vraiment approfondi là-dedans. Donc, chers frères et sœurs, basant sur ça, nous commençons par nous dire comment un des bons prophètes de Sourate 10, Sourate 11, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qu'un des bons prophètes de Dieu et ça prend le général. Prend le général, demain, il faut que Dieu ait une petite chose, c'est il aurait eu il a l'islam, mastatartu. Ça prophète pas dire avec ce peuple, au fait, ça qui m'a saisissent à l'islam. Islam qui veut dire, mettre de la corrité. Moi, je pour moi, là, comme on prend un sujet pareil, comment on dit, comme il prend une interrogation, il vient de Inch'Allah, il aurait eu il a l'islam, mastatartu. Quand on dit qui m'a capable, moi, essaye d'élaborer ce sujet-là. Wama tawfiq illa billah. Guinéens au fait depuis quand ça est venu? Depuis Allah. Depuis Allah subhanahu wa ta'ala, allez, il t'a fait pour aller venir. Nous placons nos confiances sur Allah, chers frères et sœurs. Ça qu'elle voit, parce qu'il nous perd pas. Un de ce ban, la loi, un de ce ban, croyance qu'il est pété lui-même dans ce sujet-là, dans ce point qu'il voit avec nous là. Chers frères et sœurs, quand nous guettons destin, mais c'est ça qui nous appelle Qadar, qui nous va prendre pour ce nom. Par le point essentiel qui est à donner là, nous vous êtes connus, les moumines en trois parties. Qui nous va prendre pour ce nom, ce sujet-là? Premier, ça qui nous va prendre, Inch'Allah, c'est au fait une bonne croyance. Premier point qu'Inch'Allah nous va prendre, chers frères et sœurs, c'est une bonne croyance, le ce sujet-là. Deuxième, ça qu'Inch'Allah nous pouvait dire, veut dire au cours de nous vendredi, c'est un doute et une question qui vient dans la tête d'une personne. Ban doute qui nous mène dans ce sujet-là. Ban question qui soulevait, quand souvent on a destin, destin, destin. Et troisième, Inch'Allah, nous mettons ensemble ban erreur et ban mal compréhension. Ban erreur, parce que combien de monde quand vous en lit, les diables vous disent, mais ça qui allait finir rien. Ça qui allait finir. Est-ce qu'il vraiment est comme ça? C'est ban mal compréhension, ban erreur qui passait. Quand un djimoun vient prendre un bout dans ce sujet-là, toute une chose qui est arrivée, ça qui est Allah qui l'écrit. Est-ce que vraiment ça c'est une réponse ça? Ou bien alors déjà, il y a un doute et une question qui vient dans la tête d'une personne quand il est dans ce sujet-là. Ou premier, ça qui est plus important, c'est que Inch'Allah nous permet au fait comment un servi qui est dans l'iman, quand il retourne vers lui, Allah, quand il retourne vers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il comprend? Il comprend un sujet pareil. Mais avant de rendre le sujet, nous disons bien, pour aujourd'hui, nous faisons juste une introduction concernant le sujet. Je suis pressé, avant que nous rentrions le sujet, une parole qui nous disait éclaircie. Quand nous disons une parole, c'est comment nous pouvons dire qu'elle est là, c'est une question. Nous essayons d'éclaircir, c'est quoi? Pina ou bien pas poser un sujet pareil. Un qui est pour parler au destin, il me dit aussi qu'il ne faut pas poser ça. Il me dit autre chose, mais il est compliqué. Ou bien la tête fatiguée ou ça? Ou pas le compliqué ou même? La tête pour fatiguer avec ça, qui peut la prendre? Qui fait? Ou pas venir tranquille là? Ou pas venir tranquille, vous avez une partie pour la tête pour vous comprendre qui Allah indique concernant le destin. Et je vous garde là avec vous avec ça pour là. Qui vous gêne bien? Qui vous gêne ou pas gêne dans rien? Parce que nous ne sommes pas gêne. Mais qui nous l'a fait? Nous là pour répondre, nous prenons le message de ça qui nous dit financer nous, nous amène, ça qui, lorsque nous sommes en droit pour les gens qui financent nous, nous mettons devant lui, nous dit à sa personne. Nous avons envie avec un bon sourire. Que peut dire nous comme ça, pas la prendre concernant ce sujet-là. Le problème, c'est que l'iman, le destin, c'est un des six piliers iman. Il faut continuer l'iman, oui, non. Est-ce que l'iman de Allah, l'iman de Van Ange, l'iman de Van Prophète, l'iman de Van Libre, l'iman de Jour Kiyama, ensuite, si j'aime qui m'y l'iman de destin. Mais pas concernant l'iman qui ne perd pas, non. Qui vient nous différencier en haine avec les autres? Comment est-ce que nous guettons iman une personne pas pour complet sans iman de destin? Nous apprenons ça, ça est premier là. Mais quel est le petit chemin là? Qui fait? Qui fait ou pas dire, mais mon corps le jour qui yama m'a été arrêté? Mais non, mon redacteur le jour qui yama soleil est dans l'ouest. Mon redacteur concernant balance. Mon redacteur concernant pèse nos actions. Mon redacteur, mais qui fait ton redacteur le jour qui yama? ça le pilier qui vient après la parole de nous contient, je veux dire, comment Dieu nous a donné les si nous pas close comment nous connaissons si nous pas mis ce sujet-là, pour nous apprendre, nous poser une question, comment est-ce que nous pouvons concernant des scènes si je trouve tranquille de là. Est-ce que nous pouvons répondre à quelqu'un? Demain, un non-musulman vient avec nous, dit-nous comme ça, de votre dire de ta religion, il a ça, il a ça, tu as pour là-dedans. Explique-moi ça un coup. Qui me dit là? Jamais. Par contre, tu de toi, il m'a ça. Déjà, qui dit, cher frère, il est mentionné dans un de bandes plus grands hadiths qui explique nous nous dit. Tout hadith, c'est hadith. Tout hadith, c'est parole de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a un hadith qui vient. Montrez-nous ben la loi. Pardonne-nous un autre ou bien interdit-nous quelque chose. Et là, ben le hadith qui vient, fais-nous qu'on concerne ben la loi dans une société. Et là, ben le hadith qui vient, explique-nous ben la loi concernant nous-mêmes. Et là, ben le hadith qui vient, fais-nous comprendre digne piété. Qui ça hadith là? Hadith connu comme hadith Jibril alayhi salam. Qui ça hadith là, cher professeur? C'est un pas dans le sous sol d'envoi pour aller ressembler qui a assisté dans ma zine. Comment raconter dans le Sahih Muslim? Pour Omar رضي الله عنه nous dire, كنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل. Nous devons assister dans ma zine ensemble avec le prophète صلى الله عليه وسلم, un coup, un michel est paré devant nous. Savoir du charme, faut se mettre bien noir. Bayad al-Thiyabi, son linge bien blanc. Là, nous allons aller à la souffre. Papa ne trouve aucun signe de voyage de lui. Bien que Omar رضي الله عنه peut expliquer sa hadith. Un djimoun n'est apparaît là. Nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas nous. Nous ne pouvons pas dire. Nous ne pouvons pas dans des îles. Si ou pas un djimoun dans l'endroit, veut dire que vous êtes un voyageur. Et un voyageur pour venir, ce c'est bien loin. Un voyageur pour venir sur l'aise bien blanc, bien dressé le lit, est-ce qu'il nous permet de voyager? Qui veut chercher parce qu'il y a un voyageur? Pour une bonne chose qui vous reconnaît, c'est pour être sympathique le lit, oui non. Sur l'aise pour grâce, rasé, oui non. Au moment où on va nous dire, là, il y aura l'aligné à faire le savoir, pas trop aucun signe de fatigue avec lui. Fadjana Sahin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, c'est quoi? L'idée assise directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que là, il y a une bataille, il y a une bataille. Comment on assise dans la masse? Comme ça, là, il assise avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en face. Il assise comme ça avec le prophète. Une personne qui, tout le sahaba, il a, personne n'a pas connu. Si il assise direct contre le prophète, en deux mois, l'école, l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui ça, là? Il dit, ya Muhammad, fa akhbir ni an l'islam. Oh Muhammad, comment connaissez quoi l'islam? Il connaît, il est direct contre lui. Tu n'as pas un voyageur. Tu connais son nom tout. Veux dire vraiment, il connaît sa personne demande là, oui non. Vraiment, il connaît. Lorsque sallallahu alayhi wa sallam répond, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah, wa tuqima salat, wa tu'ti zakat, wa tasuma ramadan, wa tahujja al bayt, in istata'a ilayhi sabila. Tu donnes shahada, témoignage, tu fais salat, tu donnes zakat, tu gardes l'osa, tu fais hajj si tu n'as le moyen. Déjà, il s'adapte. Tu dis la vérité. Au moins, on va dire, on va dire, par exemple, nous venons de lui. Il y a un nouveau, il sort des fous. Lui-même, il pose question, après lui-même, il dit, je te connais. Parce qu'il ne sera pas comme il pose le prophète sallallahu alayhi wa sallam question, c'est parce qu'il se parle. Je parle connu. Ici, il pose question, ensuite, il dit, je vais bien dire. Il y a une réponse là, alors. Mais il dit, je te connais réponse là. Il continue, il pose une deuxième question, par Akbil Miran Imam. Il dit, il dit, un tokmina billahi. Wa malaikati, wa kutubi, wa rusuli, wa diomin akhir. Gen bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond ça. L'idéalisme iman c'est qu'il te croit de Allah, dans ban ange, que la croyance de ban ni, de ban prophète, dans jour qu'yama. Ensuite, il dit, je précise, wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi, et que la croyance de destin, qu'il soit bon ou bien mauvais. Qui n'est arrivé là? Ça qui n'est arrivé aux cinq premiers là, un seul coup, le prophète il dit, tu crois dans Allah, de ce ange, de ce mime, de ce prophète, de ce qiyama. Mais quand arrive le destin, il répète le mot, wa tu'mina, et tu as une croyance. Pour mettre en face l'eau. Pour mettre en face l'eau là. Et lui dire, sa personne-là, Réjali, s'adapte à peut-être bien dire. Les conseillers ne savent pas venir à l'Ihsan. Comment connaissez-vous à l'Ihsan? Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Quand on est à Allah fait que ma tête est troublée. Si on ne peut pas faire que ma tête est troublée, qu'on est libre de trouver, libre de trouver toi. Les conseillers ne savent pas venir à l'Ihsan. Ils ont été en train de se faire. Comment connaissez-vous au Qiyam? Dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mal masculin en habit à la mine sari. C'est lui qui pose question là. Il va plus connaître celui qui vient de questionner. Mais il n'y a pas de petite chose là. Il n'y a pas de mine à la maroc. Mais comment on considère son signe? Il me pose question même là. Comment il finit sa réponse? Chef, c'est de l'éveillage. L'éveillage? Parce qu'il est venu pour poser question. Dès là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un moment de Allah, il y a un moment de Jalil. Il y a un moment de Jalil. Il y a un moment. Oh Omar, est-ce qu'il te connaît ça qui me pose question? Omar radiallahu anhu dit, j'ai avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et ce prophète connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fa innahu Jibril, adakum yu'allimukum dinakum. C'était Jibril alayhi salam. Qui fait l'invini? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est Jibril alayhi salam. L'invini pour enseigner zot, dit, adakum. L'invini, qui fait l'invini pour faire cela? Yuhallimukum, pour lui enseigner je. Ce tas, c'est qui ça? Rendez-vous dans sa rabat qui est présent jusqu'à. C'est le dernier, celui qui a l'iman dans sa umma là. L'invini pour enseigner je dis. Chef Pressé veut dire sa dina. Est-ce qu'il est tout complet si nous ne touchons pas destin? Pourquoi nous avons dit dina complète à tous? Jibril, ça nous pose question, oui non? L'invini est question, non? Est-ce qu'il est destin font partie de nous dire, oui non? Jibril alayhi salam qui pose question, les bonnes même question qu'il vient poser et là destin là-dedans et on la fait, nous gagne la nouvelle qui vient venir conseiller nous dit. Donc après concernant destin chef pressé, nous puis après concernant quoi? Nous puis après concernant quelque chose qui fatigue nous la tête? Nous puis après quelque chose qui peut nous tirer de la tête à l'air? Ou bien nous puis après concernant nous dit? Excepté c'est ça que Jibril alayhi salam qui fait, il vient venir enseigner nous dit. Chef pressé que nous mettons pour un. Allah subhanahu wa ta'ala envoie le Coran pour réfléchir et méditer. Mais comment quand il dit que sur la sorte Kitab anzalnahu ilayka mubarakun yadabbaru ayati. Un livre qui nous vient descendre vers toi, Muhammad, pour nous réfléchir, pour nous méditer. Pareil pour ça même quand il dit que dans sur la Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dit Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin afaluha. Je ne pas réfléchir sur le Coran ou bien sur les autres lesquels il a scellé. Mais quand nous guettons ça pour un an, parmi les ayats qui sont là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa inna kulla shay'in khalaqanahu bi qadar » Mais tout qui nous crée avec qadar. Tout qui nous crée avec un destin. Mais ça, il y a un peu de réfléchir de là, ça même. Coran, Allah qui nous descend, pourquoi? Pour nous méditer, nous réfléchir, oui non? Pour nous méditer, nous réfléchir. Dans Coran, combien ayats causent nos destins? Mais parmi nous, c'est un ayat là qui nous fait. Nous ne vivons pas ça. Mais ce n'est pas parole d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala tu mets des restrictions, l'autre certain ayat pour réfléchir, tu finis par nous connaître oui ou non. C'est l'Indien nous pour en a complètement. Les sous-entendus, même ayat qui cause le destin pour rentrer dans oui ou non. Les sous-entendus, chers frères et sœurs, même ayat qui cause le destin. À sa personne qui dit à nous, qui offre. Ou capable de gagner ou bien la tête fatiguée, nous continuons d'y aller. Mais si nous pas cause concernant ce sujet-là, pas cause au destin, amis. Tout ça qui vient, tout ça qui connaît, personne pas cause au destin. Hein? Du monde, jamais connu. Vous êtes d'accord parce que nous ne sommes pas causés. Des jeunes qui vont arriver d'elle. Pour qu'ils nous essayer de comprendre le destin-là. Ça quand même pour moi servir sur l'esprit pour comprendre oui, nous. Mais le prophète qui vient à nous. Si nous expliquons, chers frères et sœurs, ça qu'il y a de comprendre de ce façon, il est là où il est. Quand ça se fait dans l'avantage, quand il me gagne, il dit, mais Allah, il écrit dans mon destin. Quand ça se fait dans mon désavantage, aïe, quand il y a des destins, moi, il y a. Mais au fait, tu peux être à l'os. Qui veut? Parce qu'il n'y a pas de comprendre. Jamais il n'y a pas. Personne ne s'amène dans sa vie. Quand il tombe dans la situation, lequel il pourrait tourner? Le son d'intelligence. Le son de compréhension. Et troisième, chers frères et sœurs, vous êtes capable de faire mal d'explication de ce sujet-là. Sinon, il y a des gens qui ne connaissent pas. Un petit qui ne connaît pas nous. Quand il faut expliquer tout ça, il faut plus en prie nous. Il faut plus en prie nous. Donc, chers frères et sœurs, Nous disons bien que nous pécons, le même si je parais, loin de là, qui va nous penser, qui vient de nous la tête, mais attention, il fait un doute, etc. Mais là, attention. Un hadith qui trouve dans son muslim. Rapporté par Jabir, radiallahu anhu. Jabir, son nom, Ibn Malik, Ibn Jahsham, قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفبما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير اعملوا فكل ميسر كل عامل ميسر بعمله شيخ فاسر سحديث كل صحيح مسلم Sa sahaba qui a fait le surah par Ibn Malik qui vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose une question. Quelle question lui pose? Ya Rasulallah. Le fait qu'il commence par Ya, le prophète côté avec lui. Ya veut dire oh. Quand nous veut dire du monde, oh toi, un tel. Quand tu m'en as été avec lui, il dit du monde? Oui, non. Un petit monde pas capable, pas présent, vous dire oh toi. Te dire un dimoun autrefois quand il prend, quand il présente les morts. Ça sera un balade de Ya Rasulallah, Bayi Nana Dinana. Et qui est-ce pour nous? Nous dit. Quand il me cause comme ça, nous dit, quelle question il me posait à Stéla? Quand il n'a pas l'âme d'un an, comment dire à Stéla le fin est créé, fin mal à mal et l'yom? Mais au fait, qui est-ce que nous pouvons faire? Afima, Jafal bin al-Aqlam. Parce qu'il peut y avoir un plus qui finit écrire, nous dit bien, ça a l'état pour nous, après ça. Mais seulement ici, ça qui est avec nous, c'est quoi, cher frère et sœur? C'est, ça sahaba là, peut poser une question, qui question il peut poser? Il dit, Ya Rasulallah. Et clair, c'est pour nous dire. Nous pouvons faire action aujourd'hui. Mais qui action nous peut faire? Sa action qui n'écrit dans l'ordre de Mahfouza? Ou bien action qui nous capable de faire demain pour nous? On va dire, nous choisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, j'ai bal fima jaffat bili aqlam. Et j'ai dit ça qui plus là, il écrit. Nous disons bien, par contre, comprends Haditha d'après ce sujet-là, hein? Ça qui est avec nous ici, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, j'ai dit déjà qu'il a plus fini être séché, mais j'ai dit ça qui plus là, il écrit, et de ce qui nous destin, il prescrit. Tout pour être facilité pour son action. Haditha tout dans son émotion. Le prophète, il répond. Un sahaba, quand il pose une question concernant quoi? Concernant le destin. Ça, le point de Sahabith. Si sa question-là partit bien et quoi, est-ce que le prophète tu peux répondre à sahaba-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a tous les droits pour dire comme ça, sa question-là ne peut pas poser dedans. Il dit qu'il n'a pas fait ça, oui non. Mais seulement il répond à sa personne-là, oui non. Quand il répond à sa personne-là, lui en tant qu'un prophète, lui connaît qui sa hadith, quoi jusqu'à sa oumata, ce bandeau, il dit oui non. Chers frères et sœurs, si le prophète il répond ça, en deux possibles, qui pose question de destin, est-ce que c'est une mauvaise quelque chose ou bien une bonne quelque chose? C'est une bonne quelque chose. Qui veut, parce que sa habala, bien qu'il dit, chers frères et sœurs, il dit, ben lana dinana, ben éclairci pour nous dit, l'état du béton se dit, ou quand on pense, il va poser question concernant quoi? Concernant la masse. Il va poser question concernant quoi? Concernant l'osa. Concernant qui il pose question? Destin. Il faut partir de nous dire, nous. Il faut partir de nous dire. Nous continuons, chers professeurs, pour nous dire, rapporté par Hassan, il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Iza dhukira ashabi fa amsikou. Quand cause qu'on sait un homme ou un compagnon, reste tranquille. Pas répondre, pas mettre pas votre cible. Bon, quand on trouve un homme qui cause un sahaba, ah, il y a un sahaba qui comme ça, ah, mais il n'a pas envie de dire, ah, mais il n'a pas envie de faire une discussion. Le prophète dit à nous, reste tranquille. Pas causer de rendre conversation là, tant qu'on est dans tant que nous restons tranquilles, nous ne pouvons pas questionner. Mais si nous rentrons dans un autre là, qui est arrivé, un question passe devant nous, nous mettons tranquille. Moi, je vais faire des choses là. Parce qu'ils vont me causer. Ils vont pas me causer. Mais comment vous causer? Vous pouvez faire des choses là, oui, non? Vous pouvez faire des choses là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, wa ila dhukira al-qadar fa amsiku. Qu'à cause qadar, destin, reste tranquille. Pas cause à ces petites choses. Les comptes, il dit, wa ila dhukira al-nujum fa amsiku. Qu'à cause concernant Z. étoiles, reste tranquille. Au fait, un nojoum, les étoiles, périphérie à ma kitchou, qui va être servi la sorcellerie à l'époque. Mais ça vient avec nous dans le sujet, c'est quoi? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, que cause concernant Qadar, qui nous a fait? Reste tranquille. Reste tranquille, qui veut dire? Faire vos enfants, suivre tranquille, pas ça, il peut dire là. En deux temps, il peut dire, nous, par cause, ça, c'est là. Hadith, qui trouve le tabaran. C'est tout? Abu Huraira radiyallahu anhu dit: "Kharaja alayna Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu natazaa'u fil qadar. Fahadiba hatta ihmadna wajhuhu hatta ka'annama fuqiya fi wajh. Natayhi hubba rumman. Thumma aqbala alayna faqala: "Abihadha umirtum am bihadha ursiltu ilaykum? Innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadha al-amr." عزمت عليكم الا تنازعوا فيه حديث عبد الله بن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان فوا بيسوتي باش مان كومباني بان ابي اسيزي شيخ بريسير بان ابي كوز كونسيرنون ديستين بان صحابه انتو سي بي كوز كونسيرنون ديستين دي كي اريفي لي فين ان بوني جيسكا سوفيي ان فين روج كوما كوما كينا وي De Haditha, il mange au nid, hein? De Haditha, il mange au nid. Hubba Rumman. Rumman veut dire qu'il a. Veut dire qu'il a été collé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a collé chez le frère qui s'offriait une vigne rouge. Comment il a? Quand il t'a fait pour ça, il dit est-ce qu'il est pour ça qu'il m'a dans le jeu? Il dit ça m'a dit chose là qu'il m'a montré jeu. Les contiens, il dit c'est pour ça qu'il m'a envoyé vers jeu. Pour que je pose au destin. C'est un finiban qui avance quand je discussion le sassisida. Quand je pose sassisida ban qui avant nous, ça qui n'amène une destruction. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam veut dire, je prends l'engagement afin qu'ils ne se pas discuter au sassisida. Hadith tout d'un petit midi. Les gens vont prendre l'engagement envers eux. Prends-le envers moi. Je parle de sassisida. Chef de cette hadith. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand je pose le destin qu'il faisait faire, reste tranquille. Déjà, quand il t'a dit un compagnon qui cause dans ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait chef de il n'a pas l'air. L'idée, c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il n'a les œufs. Ça qui m'a montré ça. C'est tellement qu'il finit par qui avance eux quand je commence à ce sujet-là. Et il prend l'engagement qui se paraît pour lui. Mais quand vous avez dit ça, dit là, ensuite, l'état nous guette, mais vous ne pouvez pas que nous dise ça. Jibril salam quand Dieu nous dit ça, mais oui, c'est 8 fois là. Laquelle ça? Chers frères et sœurs, nous avons une réponse qui vient concernant sa dit hadith. Comment on va savoir qu'il explique sa dit hadith? Parce qu'il y a un celui qui a iman, il connaît la surah 50 fois. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Rama yantiku anil hawa, il huwa illa, illa wahyu yuha. Il n'y a pas cause concernant son passion, excepté wahyu. De wahyu, il n'y a pas de contradiction. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de wahi, pas capable et la contradiction. Explication à l'église comme suit, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être nous en garde contre cause l'audit sans connaissance. Comment dit-on cause nos adines sans connaissance? Au fait, si nous arrêtons la même, nous disons cause destin là. L'audit nous pose là. Donc ce qu'ils amènent, c'est même une apprendre. L'audit, chose qu'ils amènent, une apprendre. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans surah 17, surah l'Isra, وَلَا تَعْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et pas suivre, mais dire pas engage-toi devant quelque chose qui te fait n'a aucune connaissance. C'est une interdiction depuis Allah. Au fait, si vous mettez, chers frères et sœurs, jamais vous causerez le tout. Le motif, le wakri, jamais vous posez le computer, le lacteur, jamais vous posez le machine lavée. Vous ne pouvez pas rien là-dedans. Machine lavée avec roulé, vous téléphonez. Parce que vous ne pouvez pas rien là-dedans. Mais seulement l'un seul qui tire, non, vous pensez capable ça, non, que le smile là-dedans. C'est ce qu'on s'est rendu, mais j'ai fait le smile. Conseil en ligne, l'état qui était au fait, vous ne posez pour moi la chevelure. Vous ne posez sans aucune connaissance. C'est ça qui est le prophète. Si tu ne causes sans aucune connaissance, tu ne peux pas causer ce sujet-là. Déjà, quand tu commences à causer le destin en servant ton esprit, Si nous assisons nos causes destin ou bien dans 20 semaines qui viennent, Inch'Allah, quand on commence à expliquer par l'ordre d'Allah, vous dites comme ça, mais vous pensez au fait qu'Allah. Mais je vais juste aller. Parce que quand vous dites mot pensée, pas mot pensée, parole, mot pensée, c'est quoi? Ça qui est là pour la tête. Mais quand un petit monde commence à mettre ça qui est là sur la tête, est-ce qu'il est capable d'expliquer destin? Jamais. Ça qui est le prophète Pédjanou. Dans sa déradita, quand il dit nous, reste tranquille pas cause de là. C'est pas cause pour nous. Pour nous l'esprit. Si elle dit qu'elle une cause pour Allah et son prophète qui nous enseigne, il n'y a pas causé ou non. Il n'y a pas causé. Parce que ça, il faut partir de ce dit. Parce que Jibril et Salam, quand il pose sa question là, quand le prophète vient nous connaître, si à 100% que ça, il faut partir. Dans nous dit, tu es pressé, quand le prophète s'en va mort, quand les gens viennent en colère, il n'est pas venu en colère, basé sur la question que Jibril vient donner. Il est en colère. Ça vous qui je peux faire là, je peux cause le destin. Mais qui je connais nous là? Juste un avant-goût, ça qui vous vient en nous dans une prochaine semaine, chers frères et sœurs. Destin est un quatre piliers. Question par les pas seulement, je ne m'en quatre piliers. Mais c'est tout le monde, je fais des choses qui sont capables de faire ça. Destin est un quatre piliers. Ça qui nous appelle roue, arcane, colonne. Nous pas dire l'islam est un cinq piliers. Nous ne pouvons pas dire l'imam est à 6, destin est à 4 piliers. On dit, nous ne pouvons pas donner, ça dit qu'il y a avec nous, Inch'Allah, après ça. Mais seulement ça qui nous mettait là, ici il y a un coup de 204 là, comment vous connaissez là-dedans? Comment se fait-il que vous causez une petite chose qui est faite pour partir même quand il y a un pilier ça? Pilier, vous connaissez là, c'est ça ma colonne là. C'est dire à ma colonne là, vous voulez qu'il y a un bâtiment là. Ça va être une compacte, le cas qui s'explique. Pas nous mettre un peu de décoration pour nous brancher la pièce. Donc, je suis dit que je vais la terre pour côté. Pas mettre la cause, je vais la pièce. Ils mettent la cause, bâtiment là, pour l'eau, dans la pour s'attirer. Mais si vous ne pas mettre ça, qui arrive. Nous connaissons le résultat. Ça, un pilier, ça qui a un pilier de vie. C'est nous la même qui, ça dit, là pour reposer. C'est nous la même qui, ça va, il là pour reposer. Quand on compte ça, c'est là. Mais si, au fait, d'être en mobilité, vous ne pas connaître même qu'il y a quatre colonnes là-dedans. Mais au fait, avec vous, vous connaissez le système, là, si vous ne pas connaître quatre colonnes. Mais les temps vous regrettez, mais comment mon cause là? Mon cause là pas moi? Comme mon esprit, cher. C'est ça qui me fait le prophète en colère. Quand je me pose concernant un, je t'explique. Ensuite, dernier, quand un divin commence cause ou bien pose une question, qui Allah vient décider. Oui. Vous pouvez l'en dire, vous dire, moi, il est drôle cette main. Puis qui fait Allah fait un bain de Gaza par ce misère? Pourtant, dans le Brésil, maintenant, malade, maintenant, ils ont pu dormir, c'est là. C'est pourquoi ils sont du monde tout le temps. Il n'a pas de gaz à musulman. Mais toi qui poses la question qui vient de me faire. Quand nous posons une question comme ça, le prophète nous dit en colère, oui non. Parce que nous nous sommes questionnés. Est-ce qu'il y a la même question, chers frères? Zamis. Ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si tu te poses comme ça, mais dire que tu te poses des terres, tu vous dis, mais qui fait Allah faire des connaissances à l'Angleterre, madame Maurice? Ah, ça que tu commences à poser là, mais tu restes tranquille. Là, le prophète dit que tu ne peux pas causer à lui. Parce qu'il qui est Allah qui fait ta connaissance ici, il fait ton propre cousin qui n'a même chez nous avec toi, prend naissance dans notre pays, pas toi qui décide ça. Pas toi qui décide ça. Donc, ça dit nous qui pour cause comme ça là, c'est avec lui qui lorsqu'on s'en va pour aller sur l'homme d'Ali, pas un petit coup, reste en plus. Reste en plus, pas causer. C'est avec lui que le prophète s'en va pour aller sur l'homme rouge. C'est avec lui que le prophète s'en va pour ça, mais prend l'engagement pareil pour ça. Parce qu'il n'y a pas comme d'un coup, il devait poser la question. Mais un guidel qui prend Hadith, Jibril, alayhi salam, chers frères et sœurs, il prend par les autres Hadith comme un Sahaba, il pose question, je finis les autres réponses, il explique à travers ce Hadith-là. Est-ce que le prophète peut coller avec ça, Mandibouna? Ou bien au contraire, il avait fait maintenant comprendre concernant ça, ce sujet-là. Juste comment nous finir, dire, chers frères et sœurs, pour l'eau de là, pour nous gagner une idée, de nous la tête que nous fait cause concernant le destin, pas laisser nous finir avec nous. À partir de là, pour nous dire pour notre production pour assortir, Inch'Allah, chers frères et sœurs, qui est-ce qui nous pourra prendre? Qui est-ce chose qui, Inch'Allah, nous pourra prendre dans 20 semaines à venir, dans le premier parti? Imaginez, il y en a trois points pour nous toucher là-dedans. Un, c'est dans nos croyances. Deuxième, c'est dans deux bonnes questions. Troisième, c'est dans l'erreur, dans la malcompréhension. Le premier, la même. Veillez dire une bonne croyance. Comment est-ce qu'il est capable d'avoir une bonne croyance? Un, ou bien quelque signification. Nous avons besoin de signification. Avant de gagner de signification, veuillez dire que nous avons besoin de comment est-ce qu'il appelle ce sujet-là en arabe de vie. Déjà, nous avons un vrai qui est dans nos sens. signification là, l'eau ça sujet là. Bédier comme bédier, bandrée qui fait nous bien faire, fait nous tirer bien, qui au fait oui, c'est un sujet qui gagne droit à prendre sa ligne. Pas vous mettre aucun but de nous la tête, pas l'eau dans là, et c'est pas une petite chose interdite. Troisième, c'est, ban étape, ou bien ben le bon, c'est bon piqué. Un fois qu'on ne peut pas piquer là, à ce moment-là, qui parle l'eau dans là, alhamdoulilah, vos croyances concernant ce sujet-là, chers frères et sœurs, vous réglez. Les boubis de la façon qui, modin, type atan, en tant que musulman, tu as besoin de comprendre des destin comme ça doit. Faut des moutons de savane, ça va le piquer là. Cinquième, quatrième, chers frères et sœurs, c'est le balakchou. Là, nous disons, c'est un gros type, là, pas ouvert en c'est là. Parce qu'elle va se parler, moi, nous dire, nous pas t'y connais, Inch'Allah, doucement, par contre, fini comprend tout, elle sait le coup d'un seul jour. Non, on n'est pas comme ça. Nous avons pas aussi cette semaine, nous devons Inch'Allah, mais c'est notre tigre, nous continuer, c'est une bonne action. Qui peut redire pour une bonne action? Mauvais morcé, quand on bouge la main, mauvais bouge les pieds. Ça va une action, est-ce qu'il y a une relation en ça qui Allah finit décider de ça la vie? Qui dit la main? Prends l'engagement, c'est-à-dire, quand nous apprenons ça, si nous on vient à l'ancien bande de placage, nous on se ça. Pas nous apprendre ça, nous on vient de finir de moufti le destin. Nous voilà manuel. Nous voilà gagner une question qui est au fait d'objet. Attends, nous téléphonons, moi je m'en dis, non, mais non. Pas voilà, si nous apprenons ça, voilà, nous contentons avec ça, ensuite, puis devant nous mettre. Cinquième, Inch'Allah, ce qui nous apprend, chers frères et sœurs, c'est les différentes étapes du destin. Qui peut redire pour différentes étapes? Nous éclaircissons. Alhamdulillah, si nous sommes là, nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit avec la plume, écrire, Uktoub. Plume là, demandez, mais qui vous écrire? Allah subhanahu wa ta'ala répond, Uktoub, ma wakari ilayom kiyama. Écrire tout ça qui peut arriver jusqu'à jour kiyama. Sa plume là, rendez-vous à jour là, chers frères et sœurs. Écrire jusqu'à son soleil là, dans l'ouest. Il écrit pour moi, il écrit pour lui, il écrit pour nous. Il n'écrit pour Ban Kilao, il n'écrit pour Ban de Bourri, Ban de Maurice, il n'écrit de tout Ban qui existait dans le monde, il écrit pour Ban qui t'y passe dans la terre, Ban, il écrit tout. Qu'est-ce que tu as dit? Ça, c'est le premier. Déjà, Hadith Abdullah bin Mas'ud, il nous a dit avant, quand nous disons avant, nous, maman, le 120e jour, Hadith Ali, comme suite, parce qu'il ne faut pas prendre la propos de Dieu, nous pensons que le point qui est avec nous, Fayoub, il est du malade. Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange vers lui. Fayoub, t'as dit, il est du ajalou. Wa rizou, wa hamalou, wa chatinou, amzarinou. Écrire quatre petites choses pour lui. Combien de temps il peut vivre? Ce combien lave, ce manger, boire, ce bon action, et pour écrire, est-ce qu'il vous voyez ou bien il vous triste. Ça a dit, ça c'est lui qui nous l'a dit, il est de 3e année dans 40, 41 nawawi. 4e année, sauf 4e année de 41 nawawi. Je suis impressionné de t'en oublier, c'est déjà une étape là. Elle, Salim, qui est la plus bien écrite. Déjà une demande du maman. Troisième, cinquième. Quand je n'ai pas causé, moi je n'ai pas causé seulement. En fait, quand je n'ai pas causé, c'est concernant ce sujet-là, quand je ne peux pas causer, concernant le pas. La question, vraiment, c'est le service, le moins ça nous connaît. L'amour. Non. Regardez-nous là, nous mettons nos bandes destin. Veut dire qu'on écrit une bonne action pour ça qui va arriver nous plier devant. Pardon? Elle a tout le droit. La dame, vous connaissez madame, vous dites, ah, tu connais ça, mais c'est moi, comment vous posez nous ça? Oui, nous connaissons, vous connaissez, bon, là, sans Dieu. C'est moi, nous posons bandes qui devant. Oui, nous répondez. Premier, c'est quoi? Nous mettons dans le parfum. Deuxième, nous venons avec? Devant maman. Troisième, nous venons avec? De la toute part. Mais quoi, nous besoin de ça pour là? Ça nous prend 5 minutes, Michel. Exigeant Inch'Allah, ça qui voit avec nous, chers frères et sœurs, c'est comment nous faisons quoi là-dedans. Veut-dire nous dévoir envers tout ça qui finit, nous finit apprendre là. Ça, c'est une petite chose qui voit avec nous, Inch'Allah, chers frères et sœurs, pour nous terminer pour aujourd'hui. Nous j'aime bien. Et là, nous avons un BST là avec une au fait, introduction. Ensuite, comment nous pouvons dire, et ça, tout le temps, on va le groupe essayer comme ça. 40-45 minutes, c'est capacité qui est capable d'écouter, comprendre quelque chose. Une semaine, un travail, une journée, un travail aujourd'hui, pas de procédés intéressants, pas de non, que zéro. Il va dire comme ça. Quand on apprend pour gagner la connaissance avec conviction, nous ne pas prendre pour l'émotion. Pas la cause intéressante, mais déjà, nous avons jusqu'à la fin. D'ailleurs, nous ne comprenons rien. Nous prenons des tickets, nous faisons le nous comprenons. Inch'Allah, notre semaine, nous continuons. Première chose qui nous besoin de connaître, c'est quoi? C'est comment appeler ça, c'est là de nous dire. Destin en français ou bien en créole? Mais dans din islam, c'est ça même qui nous dit al-qada ou al-qadar. Pas ce qadar directement. Malgré que nous avons dit que nous devons dire qadr. Oui, qadr. Il s'est dit ça, là. Mais on demande que le prophète n'a pas servi celle-là. Parce qu'il y en a un qui repose dans l'autre là-dedans. C'est pour ça que nous tous le sujet. Nous ne pouvons pas tous croyons ça directement là. Croyons ça, t'as l'air qui nous a compris. Nous prenons le sujet. Le sujet de nous dire comment appeler chez un sœur, appeler Al-Qadr ou Al-Qadr. Les deux mots ensemble. Ça, c'est le sujet. Qui fait nous guetter. Al-Qadr, il veut dire quantité d'une petite chose. Qadr. Qadr en arabe, il veut dire quantité. Si nous guetter en arabe, il veut dire mablag ou cher. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatil qadr, ensuite il dit laylatil qadr khayrun min alf shahr, il dit montrer ce quantité, oui non, il montre ce quantité, c'est une des bonnes raisons qui fait qu'il appelle ça la nuit là pour la nuit du destin, parce que l'on seul la nuit nous gagne combien, nous gagne mille la nuit, il augmente, oui non, ça il gagne ce nom depuis ça vaut qadr là, qadr qui veut dire le quantité. Nous comptons, chers frères et sœurs, quand nous mettons des mots qadar, côté dîme seulement, veut dire qu'on pose qadar pas dans la langage arabe. Mais nous pose qadar en tant que dîme islam. Qui veut vous dire pour ça? Chers frères et sœurs, connaît dans le dîme, tout mot qui vit dit, je vis dans la langage arabe avec ce qu'il nous appelle côté dîme. Le mot salat. Qui veut dire salat? Salat veut dire namaz, pas précis. Salat dans le langage arabe veut dire doua. C'est doua. Nous ne parlons pas de salat pour la janaïs, le namaz, à salat pour la janaza. Nous ne parlons pas de namaz janaza, nous. Mais au fait, à salat veut dire doua pour. Vous savez ce que nous voilà. Salat veut dire doua. Mais seulement quand nous mettons salat dans l'île, c'est sa action qui commence par ta nuit, finit par ta slip, fait salat. Avec une action et une parole précise. Là, nous devons soit là, côté dit. Là, il veut dire namaz. Mais soit là, il même. Si on voit dans le dictionnaire arabe, soit là, il veut dire doua. Soit là, il veut dire doua. Quand nous regardons ici, il veut dire qadar, il veut dire quantité. Mais c'est maintenant que nous devons qadar dans le guide. Quand nous devons qadar en tant que sujet qui est attaché avec le salam, il veut dire d'agir au nom de l'Ikaïna qui passe l'humain, ça va vous bénir. Il y a une mini, ou à l'heure, bénir, et m'a dit. C'est décrire de tout bonne petite chose basant l'eau, Allah sous connaissance et l'eau sous sagesse. Quel qadar c'est quoi? Quand nous pose ça, moula. Qadar, c'est quoi, cher professeur? C'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala décrit qu'il mettait pour tout bonne petite chose. Quand nous veut dire tout là, prenez bien tout ça là, apporte Allah, le reste tout ça qui restait avec tout. Apporte Allah, tout ça qui restait avec tout. Parce que tout les crée après, oui non. Tout les crée après. Parce que si vous me dites, nous, mais tout là, c'est quoi? Vous pouvez dire, moi, pour moi, tout là, vous connaissez, c'est l'échelle. Le cas, je vois la pire. Ça, je vois la mer. Mais c'est rien, non. Non. Quand vous dites tout, apporte Allah. Le reste, tout ça qui est resté. Jibril, alayhi salam. Tout bon ange qui est là. Jannah. L'enfer. Bon prophète qui est venu. Bani. Tout ça, la font partie là-dedans, oui non. C'est Allah qui décrète ça. C'est Allah qui décrète ça. Donc, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, les lignes décrivent sa bonne petite chose là, basant leur guide. Le seul connaissance, basant sa vie. Le seul connaissance. Vous connaissez quelle connaissance Allah? Ça, question là, mais très finie ça. Mais seulement juste pour nous réfléchir. Juste pour nous comprendre qu'il y a quelle connaissance Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah Hud, kullama marra alayhi mala'un min qawmi sakhiru minhu. À chaque fois qu'une personne de son peuple passe avec lui, il va se battre le désir. Je vais dire beaucoup. Quand ça a été posé là, il va poser avec moi les salam. Le désir va se battre. Kullama, à chaque fois ça, pas une seule, veut dire si mariage est passé. Il fait du bouffon. Quand il est passé, tant qu'on vient manger, il y a des mêmes comme ça. Quelqu'un qui est au moral, vous êtes fou là. Chers frères et sœurs, nous allons salam à 11 bateaux. Quand ça vient là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans Surah Qama, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Nous ouvrir ça les chéla avec bandelo. وَفَجَّلْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ Et ça dit la source là, comment sortir, ça dit de la joindre. Ça le monde qui nous fait rester là, mais inondé complètement. Excepté une seule petite chose. C'est quoi? C'est Ziz Bakkeroum alayhi salam. Êtes sûr? Ça le monde a notre film? Être inondé, ça? Bon, normalement, on aura l'histoire là, mais c'est le monde sans croyance. Malgré qu'il y a cette science, je peux trouver, oui, ça les mona, fin, et dino, après, t'as l'air de poser tout. Mais seulement, nous, il suffit, Allah dit à nous, Ziz Bakkeroum alayhi salam, qui allait. Ok, mais qui n'a donc? Qui n'a donc? Chers frères et sœurs, nous, alayhi salam, nous avons l'école navale. Mais comment il y a un bateau comme ça, Rousse? Comment il y a un bateau comme ça? Qui a été bateau d'inarrangé? Qui tout du monde qui nous a la pierre là, je l'ai une relation. Sur le rabatou. Tous les animaux qui sont là, ils ont une relation sur le rabatou. Qui a fait le rabatou? Comment il fait le petit chemin? Mais comment tu connais ça? Non? Comment tu connais ça toi? Moi, mon bon plan, ça va voir là, ma saison là, mon coulé. Mon père, bon père, après même, je vais essayer de faire quelque chose. En tant qu'un prophète, tu n'as pas enseigné. Allah. Allah. On donne pour toute sa connaissance qui est là, la pierre là. Qui s'en applique contre sa connaissance là? C'est pour ça que ce banon est là, Allah, Ali. De ce banon, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali. Qui fait? Parce qu'il vraiment dit qu'on tout nous. La consomme peut dire bien, chers frères et sœurs, décrit de tout bonne petite chose, basant sur nos connaissances et sur sagesse. Ensuite, chers frères et sœurs, quand nous prêtons le mot Al-Qadar, excepté qu'il ne vous trouvait, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait arriver. Ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait arriver, c'est quoi? Regarde par exemple. Dans le surah Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ Et il complète cette déchelle dans des jours. Qui veut dire ça, Rousse? Qui veut dire ça? Répond les deux esprits. Qadar veut dire Allah fait arriver. Qadar qui veut dire Qadar, ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter. Pour nous terminer, mais tous les deux devons nous dire. Qadar, Allah qui décide de savoir arriver. Quand ça, quelque chose là prend place, comment on appelle il est là? Ça qu'on appelle Qadar. Gardez les deux commandements ensemble. Et là, c'est la base. Allah, il décide pour d'un coup la case, un jour où il a un enfant, dans 10 ans, lui, il est Allah, il décide oui non. Le moment que cet enfant là prend naissance, nous venons de Qadar là. Je veux dire, Allah te fait y arriver, oui. Te fait y arriver. Les gens arrivent 10 ans après, ils ont pas l'amour. Qui n'est arrivé là? C'est Qadar qui met en place là. Ça qui Allah décide d'y arriver, l'eau ça la terre là. Mais quand il décide ça, quand on prend là, il met ou bien avant? Quand il décide ça, avant, comment on appelle lui? Qadar. Allah finit décréter. Ensuite, quand il prend la place, l'action, c'est ça qu'il appelle Qadar. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour ça qu'il va nous guetter le mot en arabe, les deux mots ensemble, oui non. Les deux mots ensemble. Al-Qadar, c'est ça qui Allah fait, respire pour arriver. Et quand ça, quelque chose là prend place dans l'idée qu'on appelle lui, c'est ça même qu'il appelle Al-Qadar. Oh, donc, chers frères et sœurs, c'est ça qui Inch'Allah croit avec nous. Tous les semaines, comme on peut dire, excepté le vendredi, qui pourrait être un handicap. Nous finissons par une autre collègue une semaine avant, mais sinon, de sa façon, Inch'Allah, nous pourrons continuer ça. Laissons là, c'est qui nous peut expliquer comme ça. Nous vous causez, ensuite, quand nous venons dire, nous vous prenons bout par bout, et bien, quoi qui pour avec nous en premier, c'est ça, c'est ce qui est chose qui nous vient citer là, veut dire concernant son signification, concernant son prêtre, concernant nos devoirs, concernant nos croyances envers lui, concernant. Bandidier qui est là, et ensuite comment Allah subhanahu wa ta'ala enseigne concernant l'étape qui vient, concernant ce sujet-là. Inch'Allah, le vendredi, veut dire après Isha, nous continuons pareil. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.